Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Filtres le Matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et j'habite dans le petit Paname. Et moi, mon super pouvoir, c'est de pouvoir reconnaître un Français avant même qu'il parle. Wow! Ouais, je suis rendu là. Est-ce que ton gaydar fonctionne, par exemple? Mon gaydar fonctionne la plupart du temps. J'ai compris à peu près les codes, bon, en fait. Ouais. Bon, toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess et j'ai enfin reçu mon premier chèque de Radio-Canada. Et maintenant, ma voix, tout comme ma bisexuelle, est un service public. Biou! Yeah! Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul! Avec qui qu'on est? Avec Sophie Labelle. Sophie Labelle qui, lorsqu'elle se sent nostalgique, se prend un vanille noisette au salon G. Sophie Labelle est dans la team vanille noisette. Vous l'avez entendu ici en premier. Nu-pied. Juste nostalgique. Nu-pied. La première affaire qu'elle a faite en arrivant en studio, c'est en enlever ses souliers. Yes! On aime ça, le confort. On s'est senti un petit peu à Saint-Lô, c'était le fun. L'UQAM, c'est ma maison. Ça me fait du bien d'être de retour comme ça entre les murs de l'UQAM. Welcome home. Écoute, non, c'est super bon pour ma régulation. Yes! Comment qu'on va aujourd'hui, gang? Très mal. Ah, oh, ça va mal. Le Père Gélissol a commencé à dégeler. C'est l'enfer. Moi, je capote. Les virus. Pendant que l'hiver arrive, c'est comme. Préhistorique s'en vient. Deux pierres, un coup, c'est l'enfer. Fait que, ce matin, on a la chance de jaser avec Sophie Labelle, notre breaking star internationale du militantisme trans au Québec, pendant son passage à Montréal. Comme elle est présentement basée dans l'équivalent du Longueuil d'Helsinki, selon ses propres dires. Alors, on va parler carrière, voyage, gros glamour, of course, mais on va aussi parler de vie publique, de projets d'avenir. Stay tuned. Alors, nous, en attendant, on s'en va se prendre un petit café scandinave, prendre notre commande sans sourire, sans regarder personne dans les yeux, puis sans faire de small talk, puis on vous revient over caféiné. Fait que même si on a essayé d'être low-key dans un café à Helsinki, pour vrai, on n'est pas capable, on est trop grand gueule. Sophie était gênée de nous autres. Doublement gênée, parce qu'elle nous a dit que, attention, la Finlande, c'est pas en Scandinavie, puis qu'on pouvait pas dire des affaires de même. Ils se sont fait envahir par la Suède trop de fois. Pourquoi on peut se permettre de dire des affaires de même? On les a insultés, on a fait du small talk, on a crié partout. Genre, on a fait vrai, tout ce qu'il fallait pas faire. On est barré. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. On peut plus retourner. Fait que Sophie, pour ceux qui te connaissent pas, comment tu te présentes? Comment tu décrirais ton militantisme? Oh my God! Question simple, hein? Non, mais c'est ça arrive souvent que les gens me demandent de m'introduire, mais à chaque fois, je suis comme, vous faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que, bon, moi, je fais des bandes dessinées à propos d'une bande d'adolescents trans sarcastiques. Ouais. Et à chaque fois que je dis ça, les gens sont comme, mais quoi? De quoi tu parles? j'ai l'impression de pas concevoir mon propre travail comme beaucoup de gens le perçoivent. C'est-à-dire que les gens me voient d'abord comme une militante alors que moi, je fais juste des bandes dessinées niaiseuses. Ouais. Mais en même temps, dans ces BD-là, il y a beaucoup... Ça apparaît qu'il y a beaucoup de ton expérience militante qui est comme poured into it. Non, c'est certain. J'ai commencé à faire de la bande dessinée beaucoup pour ventiler de l'activisme. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de trucs qui paraissent éducatifs, mais qui le sont pas. Qu'en fait, c'est juste moi qui en a plein le cul. Oui. Ou qui sont éducatifs, mais qui viennent d'un besoin de ventiler plus que d'un besoin d'éduquer le monde, puis ça éduque au final, great, genre. Oui, parce qu'il y a beaucoup ce ton-là dans tes bandes dessinées de ben voyons, c'est évident qu'on lisse. On sent un peu qu'il y a un relâchement qui a l'air de faire du bien. Est-ce que je me trompe? Ben, moi en fait, je voulais exorciser un peu tous les enjeux qui faisaient partie de ma vie, toutes les micro-agressions dont je voulais parler. Je voulais les exorciser pour... Je me disais qu'éventuellement, j'aimerais ça faire de quoi qui n'ait pas rapport à l'activisme. Mais bon, quand on est trans, quand tu te lèves le matin, c'est une forme d'activisme. Et donc c'est jamais arrivé. Et en fait, maintenant j'en parle plus qu'auparavant, c'est-à-dire que je fais beaucoup de conférences, je fais des tournées, oui. Et j'écris des romans, tout le tralala. Oui. Puis est-ce que, parce que j'aime bien ce que tu as dit ça, tu te lèves le matin, puis c'est une forme d'activiste, puis on le voit dans les médias, on le voit ailleurs. Je pense que c'est, à moins que ce soit des espèces d'entrevues un peu intrusives là, qu'on a vu dans certains programmes à la télé, c'est très rare qu'on va présenter une personne trans autrement que militant, militante pour les droits à la libération. T'sais, c'est comme obligatoire d'une pression. Ah, t'es une personne trans, donc t'es quelqu'un qui milite. Uh-huh. Automatiquement, genre, tu pourrais pas juste être une personne. Est-ce qu'il y a cette pression-là qui existe? Est-ce qu'on se sent obligé? Ben, oui, mais aussi, toutes les affaires vraiment très mondaines de notre vie quotidienne deviennent extraordinaires et prétextes au regard du public, hein. À chaque fois qu'il y a un personnage trans dans une série télé, ouais, ça devient un documentaire. Oui, ouais, ouais, genre, ouais, ouais, ouais. Voici une personne trans dans son environnement naturel. Oui. Un peu à Planet Earth, quasiment. Ouais, non. Voyez comment elle fait des réserves d'hormones pour l'hiver. Oh my God. Wow! Mais est-ce que tu as toujours su que c'était ça que tu voulais faire? Ou ça a juste déboulé, puis t'as comme jumpé sur les occasions. Est-ce que quand t'as commencé à faire Assigné Garçon, ta BD, tu pensais que ça allait te mener là? Es-tu comme... comment tu te sens maintenant, rétrospectivement, comme des années plus tard? Eh bien, moi, j'ai toujours su que même si j'étais née dans un corps d'enseignante au primaire, dans le fond de moi, j'étais une BDiste. Depuis que je suis toute petite, quand mes parents ou les adultes me demandaient ce que je voulais être plus tard, je leur disais qu'un jour, j'allais être BDiste. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et puis les adultes riaient, ils disaient que c'était même pas une vraie job. pas une vraie job? Non, mais c'est ça. Je m'habillais en BDiste quand j'étais petite. Là, puis, Oh my God, c'est quoi s'habiller en BDiste? Ouais. comme ça, là. Okay, c'est assez stylé. OK, parfait. Great. BDiste okay, realness. Mais mes parents pensent encore que c'est une phase. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas eu toutes les opérations encore. Oh God. les opérations pour être BDiste. Yay! Anyway, une petite joke de stand-up. Oui. yes! Mais attends, c'était quoi la question? Mais juste comme, tu sais, quand ça a fait boule de neige puis que c'est devenu super big, en fait. Toi, non, c'est... Mais c'est ça, en fait, j'étais étudiante en enseignement primaire à l'UQAM quand j'ai commencé. C'était pas prévu pantoute. Moi, ça fait... depuis que je suis toute jeune, vraiment, j'ai fait mes premières bandes dessinées quand j'avais 7 ans. Dans le but d'emmerder mon grand frère. Yes! C'est souvent pour ça que plusieurs BDistes commencent. Je faisais des bandes dessinées. Mon grand frère avait commencé un club de bandes dessinées. Ça devenait super VIP de même. Là, fait que j'avais absolument besoin d'en faire partie, nécessairement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des bandes dessinées. C'est vraiment juste pour faire partie du club à mon grand frère. Je suis comme un peu curieux. Qu'est-ce que tu lisais comme BD? À l'époque, qu'est-ce qui t'a inspiré, genre? Je tripais sur les canards. Hein? Donc, Picsou, Donald Duck. Ah ouais. Ça, c'était ma vie. Beaucoup de ça. J'ai eu une grosse phase manga. Ok, ouais. Quand j'avais 10-11 ans. Ranma un demi. Oh, non. Non. Moi, j'étais Dragon Ball. C'est le manga le plus trans qui était possible de trouver à l'époque. Yes. C'est à propos d'un garçon qui se transforme en fille à chaque fois qu'il reçoit de l'eau froide dessus. Ah! OK. C'est super misogyne, plein de blagues transphobes, de pognages de boules. La prémisse est très trans, mettons. Ouais, fait que c'est ça, je lisais pas mal. Mais j'ai commencé plusieurs projets de bande dessinée après ça, surtout après que j'ai fait mon coming out quand j'avais 13 ans. Le club de bande dessinée dont je faisais partie avec mon grand frère, on faisait des bandes dessinées à propos des enseignants de 5e année à mon grand frère. Yes. Que j'ai jamais rencontré. Roast them. J'ai fait ça pendant 6 ans. Écoute, on a des milliers de pages de bandes dessinées à propos des enseignants de 5e année à mon grand frère que j'ai jamais rencontré. Après ça, donc, j'ai commencé une bonne vingtaine de séries en ligne ou sur papier que j'ai jamais vraiment menées à terme. Parce qu'au bout de quelques semaines, je me disais, mon Dieu, mais c'est de la merde. Puis je pensais que ça allait faire exactement la même chose avec Assigné Garçon. Moi, je m'attendais, je vais faire ça, je vais les mettre en ligne parce que les gens me disent que c'est drôle. Puis au bout de 6 semaines, je vais sûrement déliter tout ça puis faire semblant que ça n'a jamais eu lieu, comme tous mes autres projets avant. C'est quand le moment où tu as fait genre, oh shit, genre ça se rend loin? En fait, c'est quand quelque chose de magique est arrivé, les TERF. Yes! Oui. Yes! Oui. TERFs, donc pour Trans Exclusionary Radical Fuckers. C'est de l'anglais. Pour les gens qui nous écoutent, si vous savez pas ce que ça veut dire, googlez les calices. C'est les gens qui croient que les femmes trans sont des outils du patriarcat pour envahir les espaces non mixtes. Disent ça comme si c'était un temps plein. Oui, oui, oui, c'est oui. juste un hobby pour la plupart d'entre nous. Oui, oui. C'est tellement facile d'être une personne trans, marcher dans la main avec le patriarcat, il n'y a rien de plus beau. Ah hein. Oh non, j'adore, je trippe. Chris. Elles m'ont vraiment fait voir à quel point ma bande dessinée avait du potentiel. Écoute, ils ont commencé à écrire des articles sur moi, sur mon travail, comme quoi mes bandes dessinées étaient... de la propagande du gouvernement pour rendre tous les enfants trans. Moi, j'étais comme, yeah! Make it happen! Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Non, mais pour vrai, la réponse de mes harceleurs m'a vraiment fait comprendre que j'avais touché quelque chose de sensible. Oui, oui, oui, oui, ben, clairement. Je crois que c'est vraiment le contraste entre... les différents sujets dont je parle et le fait que mon style est très coloré, très cute. Puis je pense qu'il y a quelque chose où tu touches une corde sensible aussi parce que tu mets en scène des enfants et des pré-ados. Oui. Puis il y a tout le temps plus comme de panique morale autour du fait de comme, oh, c'est des jeunes, tu sais, puis tu donnes la parole à ces jeunes-là directement aussi. Ah, ils sont c'est pas... des ados maintenant. Quand même, tu donnes la parole à des jeunes dans tes œuvres, tu sais, ce qui est audacieux parce que. Les gens osent pas beaucoup parler de comme jeune trans, tu sais, ils vont plus avoir un, tu sais, ils restent encore genre les petites paniques morales de comme, mais là s'ils changent d'idée, s'ils sont pas sûrs, si ça, puis comme. C'est tellement dangereux de se questionner. Mais c'est ça, dans un truc vraiment très invalidant, tu sais, fait. Mais c'est ça, mon but, c'était vraiment de créer un contraste comme ça avec ma bande dessinée. Les gens me demandent beaucoup pourquoi c'est à propos d'enfants. Puis c'est okay, l'affaire la plus drôle à propos de mon travail, c'est que bon. Je sais que c'est difficile de faire la différence parce que je suis trans et mes personnages sont trans, alors on est pratiquement la même personne. Oui, ben ils... la plupart des gens lisent mes bandes dessinées et beaucoup de gens sont incapables de concevoir qu'une personne trans puisse faire un travail qui soit pas autobiographique. Oui. Et donc, les gens font juste croire que c'est moi-même qui est en scène dans mes bandes dessinées et la moitié de l'Internet croit que j'ai 14 ans. C'est fucking weird. Mais c'est quelque chose qui est très présent dans le militantisme, cette incapacité de faire la différence entre l'œuvre d'art et l'artiste. Ah oui, non, définitivement. Mais le genre de message que je reçois, des trucs du genre oh, tu dessines tellement bien pour ton âge. Wow. J'ai 31 ans. Mais c'est ça. C'est trop bon. Puis là. Là, je veux dire, là, c'est fait, là, à Signé Garçon, c'est connu. Je pense que tu es en train d'organiser une tournée mondiale pour 2020. Ça ressemble à quoi en ce moment? Une journée dans la vie de Sophie Labelle, superstar. Oh my god. Mettons qu'on faisait un dans ma caméra avec Sophie Labelle, là. Eh bien, là, je finis. Je suis encore en train de me remettre d'une tournée nord-américaine qui a duré 9 mois entre septembre puis fin mai de cette année. Donc, j'ai pratiquement fait tous les États américains, toutes les. Il y a juste au Nunavut, je peux aller, en fait, en Amérique du Nord. Et donc, j'ai décidé de prendre l'automne un peu plus relax. Ouais, ben oui. Là, présentement, je suis à Montréal pour le congrès du WPATH qui aura lieu ici la semaine prochaine. Et donc, je vais aussi... j'ai reçu également une invitation à aller parler dans des écoles à Ottawa. Donc, je vais faire un petit road trip pendant que je suis ici. Mais autrement, une journée... dans la vie de tournée, genre. Dans la vie de tournée. Oh my God, c'est vraiment de... Je déjeune, je prends le train. Je fais beaucoup de tournées en Europe. Donc, d'habitude, j'essaie de prendre le train. OK. Je prends le train jusqu'à la prochaine destination. Je parle pendant 1h30. Je fais des dédicaces. Moi, on va me coucher. C'est un shift, là. C'est un shift de job. C'est vraiment intense. Mais est-ce que tu as beaucoup de journées comme ça où tu as un déplacement par jour, une nouvelle ville par jour, une nouvelle conférence par jour? Puis... Ça finit tout le temps comme ça parce que j'ai bien de la misère à dire non. C'est difficile, tu sais, quand. Mais surtout, tu sais, je suis quand même une artiste indépendante. pas mainstream non plus. Non, c'est ça, t'as pas un autobus de tournée. Non, une, c'est ça. C'est pas ça qui se passe. C'est moi puis mes livres. Et donc, c'est très difficile de dire non dans ce contexte-là parce que... puisque les médias font pas le même travail avec mon art qu'ils font avec d'autres artistes du mainstream, t'as souvent l'impression que si tu te donnes pas à 100%, ben, ça va juste arrêter, tu seras pas payé, puis tu pourras pas payer ton loyer. Donc, mais est-ce que ça te joue des tours, ça, des fois? Comme à date, est-ce que tu restes tout le temps à la tête de l'eau, puis tu rentres pas dans la slippery slope du burn-out puis du genre, des fois j'en fais un peu trop ou des fois tu flirtes un peu avec ça, genre? Ça arrive. Ouais. OK, une autre affaire bizarre qui m'est arrivée cette année, j'ai eu une stagiaire avec moi pendant un mois. Donc, il y avait quelqu'un qui finissait son bac en art visuel qui m'a demandé si elle pouvait faire un stage avec moi à Helsinki. Donc, j'ai fait folie, travail non rémunéré, écoute. C'est ça. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même... Vous avez arrangé des affaires. Ouais. OK, non, parfait. Je l'ai bien nourri. Yes. Puis aussi, elle vivait chez moi. Ouais. OK. Et donc... pendant tout le mois d'août, chaque jour, on faisait 3 pages de bande dessinée, ce qui est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais à deux, moi, il fallait que je la nourrisse de travail. Ouais. Fait que je lui donne des trucs à faire, nécessairement. Oui, parce qu'on a l'impression qu'avoir quelqu'un avec soi, c'est juste une personne qui va faire la job, mais il faut gérer cette dynamique-là quand même. Ouais. Et en fait, donc, on a tellement fait de travail à l'avance que ça fait depuis le mois d'août que j'ai rien dessiné. Ok, cherches-tu une job en ce moment? Elle faisait les couleurs, en fait. Toutes les planches que j'ai publiées depuis le mois d'août, c'est elle qui a fait les couleurs. Ah. Ça me permet présentement, depuis le mois passé, je travaille sur mon prochain roman, qui va être un roman illustré. Ooh. Et donc, ça me permet de prendre un peu de recul du stress de la bande dessinée, parce que même quand je suis en tournée, je continue de produire... 3 pages par semaine. Donc, depuis 2014, je publiais tous les lundis, mercredis, vendredis. Et donc, j'ai expiré, je suis juste comme je suis fatigué. Ouais, parce que I'm tired dans le jeu. C'est sûr que le commun des mortels à la maison est comme, mais là, 3 pages. Mais là, il y a du dessin. Vous essayerez de dessiner 3 pages. Il y a le propos derrière ça. Faut trouver le texte, faut trouver le temps, parce que là, comme tu disais, là, en ce moment, t'as pris un petit moment pour respirer, mais quand t'es en tournée, on est en dans train. Dans le train. Je dessine dans le train. Après là, ça, faut que tu reviennes à la maison. Tu sais, le commuting, là, les gens qui se plaignent de la ligne orange, il y a d'autres choses aussi, quand même. Mais là, on parle beaucoup de comme Sophie Worldwide, mais pourtant, t'as souvent nommé que t'as été boudée par le milieu de la BD au Québec. Puis que t'es plus reconnu à l'international que ici juste dans le milieu de la BD en général. Est-ce que ça a bougé depuis? Quand même. On parle de publier une anthologie en français de mon travail l'année prochaine. Et donc, il y a eu du mouvement. Ça fait depuis ça fait 1 an et demi maintenant que je publie ma série de romans Ciel. Oui. Donc, il y a quand même de l'intérêt pour mon travail, mais c'est vraiment étrange. alors que je me fais reconnaître dans la rue, dans une petite ville de Norvège ou en Allemagne, je suis toujours pas... Mes bandes dessinées sont toujours pas publiées en français. C'est vraiment bizarre. Ah! Oh, non! Ah! Wow! J'ai plus de livres sur les étalages de librairies en Espagne ou en Angleterre qu'au Québec. Ah ouais? Ouais, non, c'est vraiment particulier le fait d'avoir une audience aussi nichée que la mienne. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des fans finis, mais très, très nichés qui vont pas me voir dans les médias mainstream, par exemple. C'est-à-dire que là, on parlait de ma tournée mondiale de l'année prochaine. J'ai été invité à Singapour, en Thaïlande, à Hong Kong. Tranquille. Ouais, c'est ça. Une tournée... Nous autres aussi. Une tournée entière en Afrique du Sud. Alors que les gens lambda au Québec ont aucune idée je suis qui. Donc c'est quand même particulier comme mode de vie. Puis t'as-tu comme une idée de pourquoi est-ce que, je veux dire, il y a tout le temps ce mythe qu'au Québec on n'aime pas nos gens qui ont du succès, puis on les envoie toujours ailleurs avant pour ensuite les respecter ici. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, beaucoup dans le domaine des arts. Est-ce que toi, t'as comme une vision qui dirait genre... Le complexe de Félix Leclerc. Oui, exactement, exactement, exactement. Même, c'est arrivé la même chose avec un auteur comme Régent Duchamp qui est obligé de publier en France avant de se faire publier ici. Est-ce que t'as l'impression... Est-ce que t'as une idée, là, pourquoi t'es plus populaire à l'extérieur que dans ta province d'origine? Je crois que ça a beaucoup rapport justement au fait que mon audience est très nichée, puis je refuse de faire des concessions sur ce à ce niveau-là. Mais cette niche-là, elle existe au Québec? Oui, mais je m'adresse surtout aux personnes queer et trans. Ouais. Et donc c'est pas tant que si vous êtes ni queer ni trans, vous pouvez quand même lire mon travail, là, ça me dérange. Vous devriez, même. Ouais, ouais. Mais c'est pas éducatif. Et je crois que les gens, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'intention pédagogique derrière mon art. Et même s'il y a des gens qui lisent mon travail et qui se sentent éduqués, c'est pas le but premier. C'est de créer du contenu dans lequel les personnes trans et queer peuvent se reconnaître. Ouais. Et je crois que les gens le sentent quand même, même s'ils se sentent éduqués, vont quand même voir que... en fait, ce qui les éduque beaucoup, c'est que je réponds activement à aucune question dans mon travail. Oui, oui. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué d'entendre dans les médias d'habitude quand il y a une personne trans qui nous parle. C'est pour répondre à toutes les questions des personnes cis. Et il n'y a personne qui est là pour dire aux gens que leurs questions sont vraiment connes. Et donc, c'est un travail difficile, mais quelqu'un doit le faire. Oui. Donc... Effectivement. C'est pas bien clair. Fait que nous, là-dessus, on s'en va à Bruxelles, la capitale de la BD, se prendre un petit café avec une petite gaufre on the side. Puis on vous revient. Over caféiné. Ben oui. Et que c'était le fun, Bruxelles. On se sentait comme dans Paper Mario, une vraie BD vivante, mais trêve de belgerie. Bonjour, Sophie. Tu parles d'une référence. Listen, moi, j'ai arrêté au GameCube. C'est ça. Tu parles publiquement de manière assez ouverte de tout le harcèlement en ligne dont t'es victime. Mais je pense que le commun des mortels a aucune idée des proportions que ça peut prendre. Peux-tu nous donner... si ça tente, juste des exemples de faits saillants pour qu'on puisse comme grasp jusqu'où ça peut aller, cette affaire-là, genre. Une bonne journée pour moi, je reçois une centaine de menaces de mort. Une centaine? Mm-hmm. Wow! Une bonne journée! Non, par bonne journée, je veux dire lorsque une de mes BD devient virale, mettons. Okay. Ça arrive peut-être une fois par semaine, une fois deux semaines. En fait, lorsqu'une bande dessinée devient virale, le buzz autour d'elle va durer à peu près une semaine et demie. Ouais. Et donc, des fois, c'est tout le mois que à chaque jour, il va y avoir des menaces de mort comme ça qui vont arriver. Puis des fois, je vais avoir un petit break de une semaine, deux semaines. Mais après ça, bam, ça recommence. Puis, Mais les premières fois, comment tu gérais ça? C'est sûr que quand j'étais encore étudiante puis que je faisais vraiment juste ça pour divertir mes amis à Montréal, c'était vraiment épeurant. Ben oui. Puis je crois qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec cette petite anxiété-là. L'anxiété est contenue maintenant. Ça fait plusieurs années que je vis avec ça de manière quotidienne. Mais c'est quand même terrible d'avoir à s'habituer à ce que des gens disent activement qu'ils veulent ta mort. Puis je veux dire, je savais que tu vivais ça, mais genre quand t'as dit centaines, puis là tu parles de t'habituer à ça, je suis comme s'habituer à des menaces de mort. En tout cas. En fait, j'ai appris énormément. Tu sais, une personne trans va. N'importe quelle personne trans va vivre ça à un moment ou à un autre de sa vie. Et ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses sur la manière dont les gens vont construire dans leur imaginaire les personnes trans, puisque d'être en contact avec cette haine pure-là, pour diverses raisons, parce qu'en même temps, il va aussi y avoir le contenu de la bande dessinée qui va triggerer une certaine... quelque chose chez mes haters. Et vraiment, j'essaie de prendre tout ça avec un point de vue beaucoup plus sociologique, si je peux dire. Ça m'inspire énormément, les bandes dessinées. J'ai décidé très tôt dans ma carrière de faire en sorte que mes haters soient une partie intégrante de l'aventure. Ouais. Ben là, t'inquiète pas, n'y avec. Ben ouais. On parlait des turfs tantôt, oui. mais les turfs sont risibles. Ouais. C'est comme des. C'est quasiment un moindre mal. Non, mais font beaucoup penser à des méchants de dessins animés, pour vrai. Ouais. Là, qui rient oui. dans leur cave avec leur cap. Ouais, ouais, ouais. Tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est juste drôle, mais. Quand on arrive au harcèlement de la part de forums d'extrême droite ou de l'alt-right, des affaires de même, ça devient beaucoup plus morbide et violent, si je peux dire. Ouais. Et donc, j'ai décidé d'en parler. Comme tu disais, j'ai décidé de les mettre en scène un peu dans ma bande dessinée. Ouais. Yes. C'est vraiment une mine d'or d'idées, d'inspiration. Lorsque je sais pas de quoi parler dans ma bande dessinée, je peux juste googler mon nom. Oui, oui, oui. Wow. J'essaie de moins lire. Ça fournit du matériel. Ouais. Au début, j'étais très bon. Une de leurs tactiques, c'est d'inventer toutes sortes de rumeurs, tout ce qui leur passe par la tête. Oh my God, peux-tu me donner des exemples des plus wild que t'as entendu? Ben, la plus courante que la plupart des gens qui suivent mon travail ont dû voir sur Internet, sur Reddit, c'est très courant, c'est que je ne suis pas réellement trans, que tout ça, c'est vraiment juste une grosse arnaque pour pouvoir faire des bandes dessinées sur le sujet. Parce que comment autrement tu pourrais faire des bandes dessinées? Il n'y a que les BDs trans qui ont de la visibilité. Mais oui! Je veux dire, c'était clairement la façon de devenir connu. Là. C'est trop bon, là. Tu t'en vas pas à New York pour faire une carrière de chanson. Non. Tu commences une BD sur les personnes trans. Ben oui. Non, mais c'est drôle, mais c'est vraiment mon quotidien. Là. Je croise des gens. T'sais, par exemple, lorsque des gens partagent mon travail ou retweet. Et là, je vais voir dans les commentaires des gens qui ont partagé mon travail, puis qu'ils vont avoir des gens. Ah ouais, j'ai entendu parler d'elle, paraît qu'elle n'est pas réellement trans. Puis je suis comme. Gang. What the fuck? Gang, là. Tu vois, ça me surprend parce que tantôt, tu disais. Des fois, ça me fournit du matériel. Tu sais, j'inclus les haters dans mon travail. Puis je me disais dans ma tête, je réfléchissais pendant que tu parlais, j'étais comme, il doit y avoir une limite à ça parce qu'on s'entend que ces gens-là ne doivent pas être particulièrement créatifs. La transphobie, c'est tout le temps à peu près la même affaire. Puis là, tu as commencé ces rumeurs, j'étais comme, hosti, ils ont trouvé le tour d'être créatifs pour de vrai. Ils ont trouvé le tour d'en rajouter au-delà de l'insulte et de la menace. Genre, de carrément de créer une vie. J'apprends des choses sur moi tous les jours. Ah, tu dois faire le saut des fois, hein? Ouais. Non. Il y a des rumeurs comme quoi les gens veulent juste discréditer le corps ou l'allure des personnes trans de toute manière qu'elles peuvent. Puis des trucs comme quoi j'ai en fait que j'ai 50 ans puis que j'ai jamais vraiment transitionné puis que de trucs par rapport. Wow. If it makes you happy, genre. Ouais. Tu peux pas dire ça, là. La littérature à propos de mes organes génitaux est vraiment très... La littérature! Il y a des gens qui passent des heures à débattre de quel organe génitaux ils pensent que j'ai. Parce que c'est quelque chose qui rend les gens très mal à l'aise. Mmh. Le fait que je ne parle jamais de ma propre transition, c'est un choix que j'ai décidé de faire au départ. Ça rend les gens très mal à l'aise parce qu'on est tellement habitué que les personnes trans se déshabillent littéralement devant la caméra. Puis que ce soit beaucoup des témoignages très situés de gens qui parlent d'eux autres puis qui parlent pas non plus comme d'un mouvement, d'une communauté, de comme truc plus large que ça. La télé habitue les gens à une relation très intrusive. Ouais. Parce qu'à la télé, on pose des questions, les gens dans la vie réelle, imagine qu'ils peuvent poser ces mêmes questions-là puis que t'es obligé d'y répondre. Oui, puis... Et donc, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent à ce propos-là. Puis... ouais, non, c'est toujours bien particulier. Puis... vous me connaissez déjà, là. Je fais juste être très... pince sans rêve, je raconte beaucoup de blagues. Ouais. Puis... Et je suis vraiment dépeinte comme vraiment une, ben tu sais, l'expression féminazie. Love it. Oh, ouais, non, ça c'est moi. Je suis une mangeuse de bébé. Ça c'est ta manière de cope avec ça, parce qu'à un moment donné, c'est super intense. Il faut trouver des moyens. T'sais, toi, c'est surtout de comme récupérer les haters, les intérêts dans tes BD, être cynique about it. Ben, c'est spécial parce que... Oui, parce que t'as l'air de devoir développer beaucoup de mécanismes. Oh. Ah oui. Faut-tu que je vous paye pour la session de psychothérapie? Non, c'est sur notre bras cette fois-là. Mais si tu reviens, par exemple, on te fera un prix. Mais, moi, j'ai été énormément bulliée à l'école. J'ai eu beaucoup d'intimidation. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. J'ai jamais vraiment été dans le placard. Quand j'étais jeune, j'étais surtout très non conforme dans le genre. Ouais. Et, tu disais que t'avais fait ton coming out à 13 ans? En ligne, oui. Okay. J'essayais de me protéger le plus que je pouvais à travers le secondaire, mais... j'ai juste l'impression avec mes haters, j'ai juste l'impression de vivre une extension de mon secondaire, là. Ouais. C'est juste chiant. Oh, tabarnak. Ouais, il y a une affaire que je suis content que ce soit fini, c'est bien mon secondaire. Ouais, c'est un gros privilège qu'on peut avoir dans la vie, c'est quand ton secondaire se termine une fois pour toutes. C'est pas tout le monde que ce... Ouais, non. On dit souvent que les personnes trans vivent deux pubertés. Ben, moi, ça venait avec un deuxième secondaire. Puis, comment tu vis aussi le fait d'être une figure publique importante au sein de ta communauté? Parce qu'il y a pas, tu sais, c'est-à-dire que oui, il y a les haters, mais il y a aussi des gens qui peuvent être assez rough sur la critique à l'interne dans une communauté. Oui, en queer, on est bon là-dedans. Oh, mais God. Est-ce que les critiques ou les reproches qui viennent de l'intérieur, ça se gère mieux ou ça te tracasse encore plus, en fait? Ah, ça, c'est pire. C'est pire pour moi. C'est vraiment les gens pour qui ça compte pour moi. Ouais. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, mon audience principale, les gens à qui je m'adresse, c'est les personnes queer et trans. Ouais. Ceci étant dit, je me vois pas comme étant une porte-parole ou une représentante ou quoi que ce soit. Je ne dépeins pas ce que c'est réellement que d'être trans. Même que mes personnages ne parlent jamais de leur propre transition. C'est vrai. Ils font que ventiler sur des micro-agressions, des trucs comme ça, mais leur propre transition, ils n'y figurent pas. Je voulais pas montrer ce que c'est que d'être trans à une audience, c'est genre. Et bon, ben, ça, tout de suite en partant, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord que les personnes trans devraient prendre la peine d'éduquer autour d'elles et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je gaspille ma plateforme, que j'utilise mon temps à mauvais escient. Mais c'est vrai que des questions de posture et de point de vue où t'es comme, tu sais, moi, c'est ça que je fais, c'est difficile de comme m'amener à avoir un argument là-dessus, parce que t'es comme, ben, c'est ce que je désire faire de ma plateforme. Fait que... C'est ça. Moi, c'est ce que je trouve le plus rafraîchissant, tu sais, c'est des personnages dans ces bandes dessinées-là qui ont tout le temps un niveau d'empowerment auquel on n'est pas nécessairement habitué, justement. On en a beaucoup parlé, là, de ces témoignages qu'ils nous font à TV dans des programmes un peu basic. C'est vraiment des personnages qui, avec leur ironie puis leur. Ben voyons donc, m'as-tu vraiment demandé cette question-là, calvaire? Ils ont un empowerment que certaines personnes pourraient critiquer dans le sens où on montre beaucoup les témoignages de que c'est difficile, que c'est ci, que c'est ça. Puis, beaucoup de groupes marginalisés, on vit tellement avec. Dans une société qui va chercher à nous oppresser de toutes les manières. Ouais. Je crois qu'on a un instinct de chercher à avoir des symboles forts pour nos communautés. Ça fait qu'on est extra critique. Oui. Parce que là, ils représentent tout, parce qu'ils sont si peu, ces personnes-là. Mm-hmm. Et donc, on s'attend tout le temps à ce que je dis représentants, mais c'est pas des représentants. Peu de personnes visibles, en fait. Oui, on s'attend tout le temps à ce que, aussitôt qu'une personne reçoit un peu de visibilité, qu'elle soit parfaite. Mais... moi, j'ai jamais voulu... parler pour les personnes trans, puis c'est vraiment pas le but de ma bande dessinée, mais c'est souvent comme ça que les gens vont me voir au sein même de nos communautés. Et donc, c'est très... ça arrive à être très, très méchant, genre de truc-là. Oui, parce que c'est ça, il y a tout à les deux, il y a j'appelle ça les self-appointed spokespersons. Il y a des personnes qui ont décidé que c'était des représentants, représentantes de la communauté ou des communautés, ou peu importe la communauté. Puis il y a aussi les gens qu'on oblige, ce qui est un peu ton cas, où on dit comme, mais là, t'es connu, c'est ta job à cette heure, tu sais, il y a cette pression-là. Oui. Mais sur une note, vas-y, excuse-moi, je ne veux pas te couper. Ben, c'est juste quelque chose que je lis très fréquemment. Des gens qui sont juste fâchés contre moi parce que j'ai de la visibilité, ça arrive. Ouais. Et qui sont incapables de nommer, sont juste incapables de nommer ce qui les dérange à propos de moi qui fait des bandes dessinées juste parce que j'aime ça faire des bandes dessinées. Ouais. Et c'est parfois juste des trucs qu'un personnage a dit dans ma bande dessinée ou que qui ont l'impression de pas être représentés. Et ça, je comprends parfaitement le fait de faire partie d'une minorité tellement marginalisée que à chaque fois qu'une personne trans prend la parole, on se sent attaqué. Ouais. Et donc, c'est très pernicieux. Ça fait que beaucoup de gens vont dire « Ah oh ouais, Sophie Labelle est problématique. » On sait pas pourquoi. Je suis juste problématique. Et c'est quelque chose de qui va beaucoup être... on va beaucoup en parler par rapport aux femmes trans, en particulier le complexe de la femme trans folle qui crie dans les médias. Ouais. Et on a tout le temps l'impression qu'à chaque fois qu'une femme trans prend la parole en public, que c'est... qui fait du tort à la cause, peu importe de quelle manière. Non, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Une transmisogynie latente qui ne veut vraiment pas partir. Oh ouais, non, définitivement. En concluant, de façon un peu plus légère, je me demandais, en ce moment ou dans le passé, dans la communauté, est-ce qu'il y a des auteurs-autrices, militants-militantes qui t'inspirent ou qu'il faudrait qu'on watch, qu'on devrait suivre? Qu'on devrait watch out for, là. Oh my God. Je m'étais pas préparé pour celle-là, j'aurais dû. Ben, si tu veux, on peut aussi partir à pause, comme ça, en se prenant un petit café. Tu penses à ça. Faisons ça. Après 2-3 gorgées, tu nous reviens over-caféiné avec tes petites références. On va faire ça. Ah ouais. OK! Fait que là, Sophie est repartie en Finlande. Elle a fouillé dans sa bibliothèque. Elle a checké les livres qu'elle voulait nous conseiller. Est revenu. Fait que là, on va lui demander quels sont les auteurs passés ou présents qu'on devrait surveiller ou qui t'inspirent. Eh bien, le premier, c'est un artiste émergent qui fait beaucoup de théâtre que j'adore. Vous devriez suivre son travail. C'est Oscar Wilde. Oui, un artiste émergent. Juste il est bien chum avec Dorian Gray. Non, en vrai... J'ai toujours beaucoup de difficultés à en sortir comme ça de mon chapeau parce qu'il y en a tellement. Ouais. Et bon, étant donné la visibilité que j'ai sur Internet, j'essaie souvent de partager le travail d'autres artistes trans. Oui. Le plus possible. Donc, si vous cherchez si vous voulez d'autres bandes dessinées en ligne, je vous conseille Sabrina Symington, qui est l'autrice de Life of Bria. OK. Sinon, il y a également Julia Kay, qui écrit Up and About. J'ai un paquet de mots en anglais, en tout cas. Un paquet de mots en anglais, là. Elle a écrit un paquet de mots en anglais. J'aime beaucoup le travail de Jacob Tobia qui... va faire une apparition sur Netflix bientôt dans She-Ra. OK. She-Ra and the Princesses of Power. Est-ce que vous avez écouté ça? Non, j'ai pas suivi ça. Malade. C'est tellement gay, là. Oh my God. So gay. Mais non, mais c'est She-Ra, c'est un dessin animé des années 80 de super-héros, de trucs comme ça. Ils l'ont juste repris sur Netflix, puis ils ont juste fait que tous les personnages sont queer. Great. Non, c'est bon. Great. Love it. Enjoy it. Je suis pas contre ça, moi. Non, c'est ça. Je suis pas contre ça, moi. Anyway, je le conseille fortement. Sinon, évidemment, si on regarde plus du côté canadien, il y a Kai Cheng Tom qui fait un travail exceptionnel, qui sort un nouveau livre présentement, I Hope We Choose Love, qui est une collection d'essais. OK. Et dernièrement, il y a Alex Gino, qui est auteur non-binaire californien qui écrit de la littérature jeunesse. OK. Je vous conseille fortement. Nice. Oh, yes. Parlant de littérature jeunesse. Mm-hmm. T'as sorti ton premier roman, Ciel, comment survivre aux deux prochaines minutes. Et le deuxième tome, Ciel, dans toutes les directions, c'est sorti l'an passé. Mm-hmm. Le premier est sorti en 2018. Ça a été quoi la réception de cette série de romans-là par ton lectorat? Puis, est-ce qu'on peut attendre un troisième tome? OK, tu as commencé ta question en demandant c'était quoi la réaction. Ouais. Moi, j'allais répondre la réaction des médias parce que c'était quand même fucking drôle. Pour vrai, la première question que je me suis fait demander par une journaliste de la presse, c'est comment ça se fait qu'une personne trans est amie avec une autre personne trans? Ah! What? C'est pas un peu irréaliste? OK. Deux personnes trans dans le même never. Mais qu'est-ce qu'ils diraient? Il n'y aurait rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire s'il n'y a pas de personne cis en place, là. Non, c'est pas des farces. Mais là, la presse, engagez-nous. On va vous en faire des entrevues, nous autres. Là, on va le régler. La deuxième question, c'est comment ça se fait que les parents du personnage principal ont pas de problème avec le fait que, qu'elle soit trans? Comment ce serait possible que des parents puissent être corrects avec ça? Dieu. Oh my God. C'est trash, là. C'est trash comment que les questions sont comme super situées d'un point de vue comme cis people be like. À peine low-key transphobe. Là. Oh my God. J'ai lu une critique également du premier roman qui était comme... c'est un peu bizarre parce que y a pas de drame. Comment ça se fait que la personne trans ne meurt pas à la fin? Oui, c'est ça. Le personnage principal. Comment ça se fait que c'est pas un chemin de croix puis qu'on est ouais, pas ouais. Juste, ouais, ouais. Et donc les gens étaient un peu confus. On n'a pas eu de scène où elle se mettait du maquillage devant un miroir en pleurant de manière dramatique. Non, mais for real, tu sais. Bref, la réaction du public de mon audience plutôt était beaucoup plus beaucoup moins mitigée maintenant. Ouais. Ben quoi que c'était aussi un succès médiatique, surtout le premier qui a fait de la couverture de plusieurs journaux au Québec. Mm-hmm. La couverture en Europe a également été très bonne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un deuxième. Puis pour une auteure indépendante quand même, genre. T'sais, c'est-à-dire que t'as commencé from scratch, genre, par toi-même, tu roules par toi-même et tout. Genre, d'avoir des front pages et tout, c'est nice. Là. Surtout c'est des enjeux aussi nichés, là, genre, c'est fucking cool. Ah oh ouais, non, je me sens très privilégié. On parlait de mes haters tantôt. C'est quelque chose qui m'a beaucoup donné de confiance. Ouais. Le fait que les médias suivaient quand même. C'est pas mainstream, mais s'il m'arrive de quoi... je sais que j'ai la possibilité d'aller dans les médias avec. Oui. Ouais. Donc et c'est ce que j'ai fait souvent. Je me suis fait doxer. Mais mon adresse a été. Je l'ai pas dit à la radio, mais je l'ai. Contrairement à moi. Mais ça a fait le tour des médias. Tous mes livres étaient sold out au bout de quelques jours. Puis tout ça, puis je crois que beaucoup de mes haters qui s'en rendent compte qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi de trop dramatique pour moi, ça fait que je double mon lectorat. Ouais, ouais. Fait que t'es comme « keep bringing it ». Non, je thrive sur le drama, écoute. Là, présentement, je travaille sur un troisième roman qui sera illustré cette fois, toujours chez Urtubis. Okay. Encore la série CL ou... J'ai des plans pour un troisième tome de Ciel, mais on a décidé de prendre une petite année off de la série pour travailler sur ce roman illustré-là. Okay. On peut imaginer... C'est un format qui est très peu exploité au Québec, les romans illustrés, ouais. Du genre Diary of a Wimpy Kid. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Texte, image, qui est pas un roman graphique, c'est pas de la bande dessinée, mais c'est un format qui est beaucoup plus éclaté. Ouais. Mais ça commence un peu. C'est quoi qui est sorti récemment? La grosse LED de Marie-Noël. Hébert. Qui est un roman graphique qui est sorti relativement récemment. Ça fait un mois que c'est sorti. C'est vraiment plus comme... c'est-à-dire que elle, quand elle a écrit, c'est pas nécessairement comme une espèce de... c'était pas dans une perspective militante ou d'éducation sur la grossophobie, mais en fait c'est beaucoup comme ça que ça a été reçu. Okay. Ouais. Puis les gens sont comme waouh, tu sais, parce que justement là, c'est... elle a été invitée à Penelope McQuaid, puis là tu sais ça a commencé à devenir un petit peu plus big. Allô Marie. Bonjour Marie. Allô Marie. On t'aime. Allô. Ah mais je vais checker ça parce que on chillait avec elle hier. Parce que de vivre en Finlande, ça fait que écoute, ça fait depuis le mois de juin que je suis pas passé au Québec. Ok. Puis là juste avant de venir ici, moi je me suis arrêté à la librairie Raffin. Ouais. Je me suis juste fait une grosse pile là. puis tous les essais qui sont sortis depuis le début de l'année, que je suis juste comme, bon, on va rattraper le temps. Bon, on va keep up. Je t'entendais dire, on a pris une année de break, un mois de break, pardon, on fait ci, on fait ça. Est-ce que t'es bien entouré par ta maison d'édition? Est-ce qu'ils te back beaucoup? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi? Oui. Je salue les gens chez Urtivis. Bonjour. And you have to be. C'est des gens qui ont eu énormément confiance, qui m'ont fait beaucoup confiance. Quand j'ai sorti mon premier roman, écoute, j'avais absolument rien de publié avant, puis c'était des gros risques. Le fait de, comme je disais, d'écrire, de publier un roman jeunesse en plus, qui n'a pas pour but d'éduquer sur les questions trans, mais avec deux personnages principaux trans, c'était quand même gros, ça l'est encore pour notre époque. C'est vraiment, je me sens très bien entourée, là. OK. C'est sûr qu'il y a toujours des petits accrochages avec, par exemple, les comités de lecteurs, où est-ce que, avec la correction également, qui est pas très woke. C'est-à-dire qu'à chaque fois que par exemple, j'ai deux personnages qui s'insultent, soudainement, quand je reçois les corrections de ces comités-là, il y a plein de stupides qui ont été intégrés ou de grossis ou c'est il y a beaucoup de travail à faire de ce niveau-là, surtout pour la littérature jeunesse, qui se retrouve remplie de termes capacitistes ou grossophobes. Parce que c'est des dénominateurs communs, puis Ils continuent de chercher la référence facile, puis aussi comme je voulais pas que ce soit un outil pédagogique, j'ai souvent juste mentionné par la bande que tel personnage est bisexuel, mettons. Et comme ça avait pas rapport dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui se demandaient, est-ce qu'on est obligé de mentionner la bisexualité de ce personnage-là? On pourrait pas juste dire, mettons, que ce personnage est gay. C'est drôle, hein, parce que d'un côté, t'as... Non, on le voit pas, mais je roulais les yeux. C'est parce que c'est ça, d'un côté... On l'a entendu. Rolling your head so hard. Parce que d'un côté, t'as comme les gens plus dans une bulle non woke, comme tu disais, gens qui vont proposer des choses vraiment plus faciles à comprendre, plus faciles à comprendre le commun des mortels. On sous-estime beaucoup le commun des mortels, ils sont capables de comprendre le mot bisexuel. Puis de l'autre côté, on a les queers qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux auteurs de faire œuvre de sociologie plutôt que de faire œuvre d'art. Tu le disais, tu sais, moi, c'est pas un point de vue pédagogique. Le personnage est bi, puis ça finit là. Les personnages sont des personnes trans, puis ça finit là. Fait que ça t'agace pas des fois de te faire tout le temps dire, genre, fais-nous un traité d'éducation pédagogique? Ah ouais, à tout bout de champ. Ça doit être l'enfer. Et pour vrai. Tu sais, moi, j'étudie en littérature, puis j'écris personnellement. Moi, on me dirait ça, j'enverrais chier tout le monde, là. Non, des fois, mes bandes dessinées, c'est vraiment juste une blague. Des fois, c'est vraiment juste une joke, un jeu de mots poche. Puis là, il y a des gens qui vont m'écrire qui sont comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'apprends rien ici, là? Les gens sont frustrés, sont comme qu'est-ce que je dois comprendre? C'est quoi votre thèse à travers? Ouais, c'est ça. C'est quoi le message? Si vous avez étudié en art, là, la dernière chose que tu te demandes, c'est quoi le message? Oh God. C'est comment le message? En tout cas. Voilà. Mais mais pour vrai, Urtubis feront vraiment un très beau travail d'inclusion. Au moins, ouais. Yes. Et je suis très contente. Oh, yes. Là, Sophie, j'ai envie de te faire un petit segment spécial. Un petit segment voyage. Oh, le petit jingle. Yes. Écoute, oui, ça va clairement être meilleur que. Non, je dirais pas ce que j'allais dire. On l'a pas mentionné, mais Charlie et moi, on se connaît surtout de nos années folles de karaoké. Yes. Ben oui. Fait que t'as entendu Charlie chanter, puis t'es encore vivante pour en parler. C'est incroyable. Et vice versa. Ah, oui, okay. On a survécu ensemble. On a chanté les rois du monde à terme. Normandie. Oh mon Dieu, ça m'étonnerait absolument pas. C'est sûr. C'est sûr que ça avait passé un moment donné. Qui s'en souvient? J'espère qu'il y a juste toi pis moi. Mais oui, effectivement. Bon, tout ça. Voyage. Dans le fond, Assigné Garçon, ta BD qui met en scène ses filles, une enfant trans de 11 ans par laquelle tu parles de ton expérience militante de manière non pédagogique, juste du venting, des bonnes blagues, des comme. Qui est le truc qui a go viral en premier. T'as amené comme partout, puis là tu donnes des conférences and everything. Maintenant que t'es une worldwide conférencière, je me demandais où c'est qu'on t'a pas encore invité puis que t'aimerais aller. L'Afrique francophone? Ouais. J'ai fait d'autres dates en Afrique du Sud, comme je disais, mais jamais, par exemple, en Algérie ou au Maroc. Ouais. Où est-ce qu'il y a des communautés trans là-bas ouais, aussi? Ouais. Qui, ouais, ouais. Sinon, en Amérique du Sud, peut-être? Ah ouais? Ouais, ouais. Qui est un c'est beaucoup plus difficile étant donné que il y a beaucoup de contenu culturel qui est populaire en anglais qui a pas vraiment de marché là-bas, c'est-à-dire que au Brésil par exemple, ouais. ça va être beaucoup en portugais, puis le reste de l'Amérique du Sud ça va être en espagnol, et donc c'est beaucoup plus difficile ouais. pour moi de faire des tournées là-bas. Ouais, ouais, ouais. Contrairement, par exemple, en Europe, où est-ce que... L'anglais, c'est... Ouais, l'anglais, ouais. Ça t'amène partout. Ou l'anglais ou le français. Ben oui, ben oui. Parce que l'anglais t'amène pas en France. Non, l'anglais... Non, Rick, l'anglais non. Non. Oh, non. Hell non. Non. No. C'est où que sur soi le meilleur accueil? Mon Dieu, écoute, je suis tellement biaisée parce que... Je vais partout où on m'invite. Donc, c'est des gens qui m'invitent, ouais. qui, déjà là, sont très enthousiastes au fait que je sois là. Mais je dois dire que chaque fois que je fais des tournées en Europe de l'Est, dans les pays d'Europe centrale, les gens s'étonnent que je m'arrête là. Et très souvent, je vais avoir un accueil beaucoup plus chaleureux dans les toutes petites villes où je m'arrête. Parce que, bon, comme je disais, je vais partout où on m'invite. Donc, il suffit de m'inviter pour que je m'arrête. Et donc, on le constate ici aujourd'hui. mais pour vrai, dans les grandes villes, c'est beaucoup plus difficile, étant donné qu'il y a tellement de trucs qui se passent en même temps. Puis les gens vont souvent se dire, bien sûr que ça va être à New York, mettons. Oui, oui, oui. L'attention des gens est plus divisée. Oui, ouais. Mais si je m'arrête dans une petite ville en Utah, je vais avoir une plus grosse foule qu'à New York. Ouais. Et donc, c'est assez particulier. Comment est-ce que ça fonctionne? Sinon, on the shady side of things. Non, mais pas ça va shady. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des endroits où tu as eu des conditions difficiles pour donner des conférences ou des. Ouais. Genre, je sais pas, des lieux où c'est. Rien qui marchait. C'est plus compliqué. Bon, tu as resté surpris, pensais que tu allais dire quelque chose, finalement, c'était pas la bonne affaire. Bon, le en fait, comment, rien qui marchait, ans. Le gros de mon audience, c'est quand même, c'est des étudiants. Donc, okay, ouais. J'ai invité dans énormément d'universités. Ouais. Donc, ça arrive très souvent qu'il n'y a rien qui marche. Oui, c'est ça. Bon, oui, OK, cool. Mais si je me souviens bien, c'est peut-être en Estonie qu'il a fallu garder l'endroit où ça avait lieu privé, c'est-à-dire que c'était juste de bouche à oreille, étant donné qu'il y avait eu des manifestations contre ma venue. OK. Wow. Ouais. Ça a paru dans les médias à Chicago quand il y a une école qui a annulé mon intervention parce que y a des parents qui se sont plaints. ça a été assez particulier, des aventures comme ça. Puis encore là, j'ai donné des conférences, j'ai fait des tournées entières du Dakota ou de le Nebraska, par exemple, des petits villages ruraux comme ça au milieu de l'Amérique, ouais. Où est-ce qu'il y a eu moins de backlash qu'à Chicago, mettons. Ouais, ouais. C'est ça. Non, à travers mon audience, comme ça, à travers mon contact avec mon audience, j'ai appris énormément sur... sur les mœurs de chaque endroit, ouais. En terminant, bon, c'est une question qui est cliché, là, c'est vraiment cheesy, mais c'est pas grave, j'ai envie de la poser quand même. Yes, vas-y! Vas-y, fort. Toi, là, mettons, Sophie, là, toi, là, toi. Moi. Toi, je parle tellement comme Charlie en ce moment. Dans tes rêves les plus fous, dans 5 ans, tu te verrais où? Dans 5 ans. Plan quinquennal. Dans 5 ans, j'aimerais ça qu'il y ait une anthologie de mes bandes dessinées qui soit sur les tablettes. Mais moi, physiquement, où est-ce que je serais sûrement en train de faire de la randonnée dans un endroit pas possible. On souhaite une randonnée dans des endroits impossibles. Merci. Toutes les randonnées impossibles. Comme Chicago, par exemple, tu pourrais faire une randonnée à Chicago. Avoir le temps aussi de faire des longues randonnées. Comme là, cet été, après, quand j'ai fini ma tournée d'Amérique du Nord, je suis partie 2 semaines en randonnée dans l'Arctique. Je sais que ça sonne bizarre, mais moi, c'est comme une des places sur Terre où je veux le plus aller. Ah ouais. Oui. Ouais, non, c'est, moi, si je peux pas être malade. En speedo, j'y vais pas. Toutes les terres, Sapmi, les autochtones en Amérique du Nord, c'est vraiment, vraiment spécial là-bas. La lumière, comment est-ce qu'elle touche le sol. C'est en particulier. Bref. T'es clairement une personne nordique, parce que je veux dire, il y a pas grand monde au Québec qui vont déménager dans un autre pays nordique. Okay. Tabarnak! Écoute, la grosse joke, c'est que je suis déménagé en Finlande parce qu'il fait plus chaud là-bas. C'est-tu vrai que c'est? Il fait fucking plus chaud là-bas. Ben, en fait, c'est pas une question de chaleur, parce que c'est juste plus tempéré. Fait juste moins extrême. OK, ouais. Ouais. Ça va rarement en dessous de moins 5 en hiver, mais ça va rarement au-dessus de 20 en été. OK, mon Dieu, c'est comme un petit automne chili à l'année. Ouais. Oh. Mais j'ai quand même habité 3 ans au Yukon. OK. Donc, ah ouais? Ouais, non. T'as-tu fait, comment ça s'appelle, le Sour Toe Contest? Oh my God. Non, en fait, j'étais à l'hôtel. C'est un drink avec un orteil dedans. Ah. Faut pas que tu le lavales, je pense. Faut pas que tu le lavales, mais ça arrive. Ça a l'air, c'est arrivé 2-3 fois que quelqu'un l'a avalé. Assez souvent. C'est-tu vrai? Mais il y a une vingtaine d'orteils en attente que les gens ont donné pour la cause. Oh, pour mon la cause. Dieu. Fétichiste de pied, vous savez où aller. Mon Dieu, ça a pris un virement. C'est vrai, on sait qu'on s'en va avec ça. Au moins, je pense qu'on s'en va se prendre un dernier café. Oui, moi, je pense que, effectivement... Ça, on revient pour conclure l'épisode. Oh. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute de Sophie. On te remercie tellement d'être venue avec un si peu de délai d'avertissement. Ça me fait plaisir. Oui, mais juste merci tellement de ton temps et de ta générosité. C'était vraiment fun de t'avoir te jaser. C'était trippant au bout. Qu'est-ce qu'on plug, Sophie? Eh bien, j'ai sorti une nouvelle bande dessinée le mois passé qui s'appelle Cours... non, pas Cours. Qui s'appelle Éducation à la sexualité pour tout le monde. Oui, pour les gens qui nous écoutent, elle a cherché son titre pendant 2 minutes avant qu'on recommence. On lui a proposé de se googler elle-même, ça l'avait besoin. Éducation à la sexualité pour tout le monde, qui est une collection de bandes dessinées sur l'éducation à la sexualité. Et donc, qui va être en vente à Legalion ou bien en ligne. Et je vais vous shipper ça de la Finlande. Ah ouais. On se garoche là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 FIF le matin, le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, puis le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts ou juste un petit like on se voit le faire. Yes! Bye les moons! Bye la gang! Bye!